Seigneur vous bénisse tous. Bwana imibariki mwe bote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Munjina ya Bwana Yesu Kristo. Je vais demander à toute l'église. Mitaomba kukanisa yote. De suivre très attentivement. Ipate kufuata na utaratibu sana. Cette partie que nous allons suivre aujourd'hui, que nous allons commencer aujourd'hui. Isemu tutanza leo. Dans le but de clôturer. Mukifukuzio kya kumaliza. L'enseignement que nous avions commencé depuis longtemps. Mafundisho ile tulianza kunakuwa muda mrefu. Et sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Nabila ukawia tutashimama njoo usomi wa neno. Si on peut fermer cette porte. Kama banizi kufunga ile mlango. Nous la fermons régulièrement. Tunaifungaga kila mara. C'est pour éviter les dérangements qui viennent de l'autre côté. Ninju ya kuepuka ile makelele natokea kuingambo. Asante Bwana. Amen. Alléluia. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Kwa neema yako. Amen. Kwa neema yako, kwa neema yako, amen. Oh, amen. Alleluia. Oh, amen. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunakupigia asante sana. Pour une journée que tu nous as donnée. Afin que nous puissions venir t'adorer. Kusudi tukwetu kuabudu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pour le bon travail que tu as accompli au bois du calvaire. Njua kazi njema ile ulitimiza kwa msalaba wa calvaire. Aujourd'hui nous sommes fiers de cette œuvre. Leo tuku na fieri njua ile kazi. Et nous te disons merci. Na tunakupigia asante. Ce soir, ô Père, Imangaribi e Baba, descends dans cet auditoire, Shuka, muhimu kusanyiko, parle-nous d'une manière particulière, utuzungumuzie mnamna ya upekee, éclaire chaque frère et chaque sœur, waangazie kila nduku na kila dada, dans sa marche vers le ciel, musafari yake ya kwenda kumbingu. Bénis ce service, bariki hii kazi, ainsi que la parole que nous allons lire, na neno ile tutasoma, guéris les malades, tunza wagonjwa, et trouve solution à toute nos situations. Na upate kuleta jibu kuma itaji yetu. Tu nous as promis d'être au milieu de nous. Ulituahidi kuwa katikati yetu. Sois avec nous, Seigneur. Uwe nasi Bwana. Tout pour la gloire de ton nom. Yote njoo tukufua jina lako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Njina ya Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Jean au chapitre 4. Yohane sura yake ya 4. Dans son verset 19. Mstari yake ya 19. Jusqu'au verset 24. Mpaka mstari wa 24. Première Pierre. Petro wa kwanza. Chapitre 5. Sura yake ya 5. Dans son verset 8. Mumusara ki amnani. Apocalypse chapitre 13. Ufunuo sura ki akuminatatu. Dans son verset 4. Mumusara ki aini. Nous commençons avec 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Tu kunanza na Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ya 8. Soyez sobre, mukuye bakiasi, veillez, mupate kukesha. Votre adversaire le diable adui wenu diabolo rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Eko nazunguka san simba mwenye kongoroma kutafuta nani atararua. Apocalypse 13, Ufunuo 13, verset 4. Mumustari yake ya ini. Et ils adorèrent le dragon, na bakabudu joka, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Dans Jean au chapitre 4, commençons au verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, Bwana, je vois que tu es prophète. Minaona kwamba kunabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu bariabudu pai mulima. Et vous dites, vous, na munasema mweye, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Na kwamba fashi ile napasha kuabudia ni ku Yerusalema. Femme, lui dit Jésus, mwanamke Yesu akamwambia, crois-moi, unyamini, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est la chose la plus mauvaise pour les croyants d'aujourd'hui. C'est un mal d'adorer quelque chose qu'on ne connaît pas, de croire quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est un mal. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomi wa neno lake. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Muku bantu ba mingi mu dunia. Beaucoup de gens dans les dénominations. Bantu ba mingi mu mazebu. Beaucoup de gens dans le message. Bantu ba mingi mu jumbe. Ils adorent le Seigneur selon la chair. Beko na abudu Bwana kufuatana na kimwili. Et ils ne connaissent pas la vérité. Na abajue kweli. Ils sont loin d'un esprit de mensonge. Benye kupakaliwa mafuta na roho ya bongo. Qui les conduit dans les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ile kunebongoza mu bintu byenye kombanisha neno la Mungu. Qui les conduit dans les doctrines qui s'opposent à la Bible. Ile roho kunebongoza mu mafundisho ya kombanisha Biblia. C'est ainsi comme nous sommes dans les derniers jours. Jo kwa maana sa hivi tuko mu mashiko ya mwisho. Où la prophétie avait déjà annoncé mule unabir kwa isha utangaza que beaucoup de faux Christ se leveront, ya kwamba ba Christo ba bongo bata, beaucoup de faux docteurs se leveront, ba mwalimu ba bongo batakuya, beaucoup de pasteurs se leveront, ba pastori ba mingi batakuya, et ils entraîneront les gens derrière eux, na batakokota bantu kumkongo yabo, ils vont entraîner tous ces ignorants batavuta aba bakutokujua bote qui ne comprennent ni les voies de Dieu bale abelewe manjia ya Mungu et qui ne connaissent pas Dieu na bajue Mungu. dans les mensonges. C'est pourquoi nous devons beaucoup tirer très attention aux choses que nous croyons, aux choses auxquelles nous prêtons nos oreilles. C'est pourquoi la grâce de Dieu est une chose très importante, qu'elle soit sur chacun de nous, pour que le Saint-Esprit puisse diriger tout homme dans la voie de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons donner aux chrétiens une large vision et précise sur les prophéties du temps de la fin. Aujourd'hui, nous voyons les forces occulte. Aujourd'hui, Léo, nous voyons partout les forces occultes cachées qui s'infiltrent dans l'Église de Christ à toute vitesse, et c'est pour attaquer le petit reste de la vraie chrétienté. Le monde est rempli de la fausse chrétienté aujourd'hui. Même les soi-disant messages du temps de la fin, que la plupart des gens sont en train de prôner, n'est plus pur. Satan s'introduit avec force, d'une manière très rusée, dans l'église du Seigneur, parce qu'il veut à tout prix attaquer les petits groupes que nous appelons les petits restes de véritables chrétiens qui défendent la véritable chrétienté. C'est vrai, frère. Mais selon la parole ou les paroles de Jésus-Christ, nous gardons encore l'espoir. Parce que Jésus-Christ a dit clairement que les élus ne seront jamais séduits. Jésus-Christ a dit clairement que ces véritables brebis reconnaissent sa voix et ne peuvent jamais suivre un étranger, ne peuvent jamais suivre un mercenaire. C'est ainsi que nous gardons l'espoir. Nous espérons que cette église dont le cœur est droit, dont le cœur est pur, dont le cœur est humble, qui reçoit les flèches de l'ennemi de gauche à droite, saura garder et conserver la victoire en Christ jusqu'à la fin de la route. Nous espérons cela. Parce que la parole de Dieu doit certainement s'accomplir. Il y a beaucoup de choses spirituellement qui se passe. Et je le vois même ici chez nous à Kambo. Pas seulement ici à la cité, même dans cette église. Où je trouve qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui conservent encore un faux esprit et qui sont flexibles aux attaques de l'ennemi et qui perdent souvent la victoire. Et pourtant, nous, nous devons garder espoir et confiance en Dieu. Que dans toute cette confusion qui existe à Kambo, au Congo, en Afrique, et dans le monde entier, il y a une église qui a un cœur droit, qui a un cœur pur, qui s'humilie devant Dieu. Peu importe ce que Satan fait, cette petite église conservera la victoire jusqu'à la fin de la route. Mais nous serons heureux si toi et moi, kama we na mie, nous pouvons conserver la victoire jusqu'à la fin de notre chemin. Ya safari yetu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dio nduku mpendwa na dada. Nous voulons que les chrétiens vigilants tunapenda ba Christ benye kukesha soit mieux informé bapate kujulishwa mzuri et averti na bakalamushwe. Nous avons le devoir sacré tukuna mapasho atakatifu d'avertir l'église ya kukalamusha kanisa, d'informer l'église ya kujulisha kanisa sur la manière dont Dieu agit maintenant, namna ile Mungu yeye kunatenda hapa sasa, et sur la manière comment Satan s'infiltre au milieu de son peuple, na namna kani shetani kunajiingiza katikati ya taifa ya Mungu. Ceux qui sont de Dieu venye kuya ba Mungu se laisseront avertir et écouteront ce que Dieu dit à l'église. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu négligeront les avertissements de la parole, ils continueront dans la négligence et ils tomberont dans les pieds de l'ennemi. Satan actuellement a piégé tout le monde. Les pasteurs, les prédicateurs, le laïc, tout le monde. Il a toutes sortes de pièges pour ruiner les âmes. Mais il est très important que nous soyons vigilants en toutes choses, que nous sachions où est-ce que nous pouvons mettre notre pied. Quand quelqu'un marche pendant la nuit, il doit savoir où est-ce qu'il met son pied. Il ne doit pas mettre son pied n'importe où. Il ne peut pas marcher n'importe comment. Vous voyez, il risque de tomber dans un puits profond et se briser pour toujours. C'est l'époque, c'est la période dans laquelle nous sommes actuellement. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Nous voulons que les chrétiens vigilants soient encore mieux informés et mieux avertis. Oui, bien-aimés frères. À ceux qui sont affaiblis, et qui se découragent. Nous les aidons par la voix de la parole de Dieu à s'affermir davantage au travers des armes de Dieu que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés frères, nous sommes dans un tournant de l'histoire, de l'humanité, même de l'histoire du salut. C'est vrai. Quand vous regardez beaucoup de gens aujourd'hui, la plupart sont découragés. Les autres sont très affaiblis par les attaques de l'ennemi qui viennent de toutes parts. Kupitia mashambulio ya adui ile kunatokea mangambo yote. Mais pour un chrétien, lakini kwa mkristo, dans une situation de crise, mambo ya nguvu, pour un chrétien qui est déçu, ya mkristo ule mwenye ule ana, ou qui est fatigué dans la marche, ou anachoka msafari, il n'y a qu'un chemin. Huku tu njia moya. Il n'y a qu'une voie qu'il faut suivre. Il faut savoir s'arrêter et chercher sincèrement Dieu de tout son cœur. Il faut savoir s'arrêter et chercher sincèrement Dieu de tout son cœur. C'est ce que les gens ne font plus aujourd'hui. La plupart sont des religieux. Ils ne prêtent plus oreille aux avertissements du Saint-Esprit. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est savoir s'humilier, savoir prier, savoir jeûner dans la sincérité pour chercher la face du Seigneur. Nous devons savoir dans le moment dans lequel nous sommes, enlever dans nos cœurs toutes sortes d'idoles et s'éloigner de toute forme de distraction avec le secours divin. Oui, bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un temps dans lequel un véritable chrétien, une véritable chrétienne, devait contrôler profondément son cœur pour enlever toutes sortes d'idoles, toutes les choses que nous aimons plus que Dieu, plus que sa parole, toutes les distractions qui nous viennent de toutes parts, de la science qui nous viennent des églises, toutes ces choses que nous voyons qui frappent nos yeux, nous devons nous en éloigner, enlever ces choses dans nos cœurs. C'est un temps critique. Jésus-Christ est à la porte. Yesu Kristo iko kumulango. Il peut venir à n'importe quand. Anezi kuya mwakati yoyote. Les portes du salut. Ma milango ya okovu. Du côté des nations peuvent se fermer à n'importe quand. Kungambo ya mataifa inezi kufunga mwaina mwakati yoyote. Israël n'importe quand. Injili inezi kurudia kwa Israeli mwakati yoyote. Oui, bien-aimés frères. Dio nduku mpendwa. Cela est écrit dans le ciel. Il est inandikiwa mumbingu. Cela est écrit dans l'économie, dans les économies des pays. Il est inandikiwa mumauchumi ya maichi. Cela est écrit dans toute la politique des pays. Il est inandikiwa muma siasa yote ya ulimwengu. Cela est écrit dans toutes les églises, dans les domaines religieux, c'est un temps horrible. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Et nous devons prêter très attention à la parole que Dieu nous a révélée ces derniers jours. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi aujourd'hui nous avons des faux réveils? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de frères et sœurs sont à la recherche des faux réveils? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de frères et sœurs vont dans les faux réveils? Pourquoi? Premièrement, kwanza, c'est un manque nikukosa de la vraie connaissance nikukosa ufamu ya byakweri de la véritable parole. Ya neno ya byakweri. Le manque de la connaissance kukosa ufamu de la véritable parole ya neno ya byakweri entraîne aux gens ikuna sukuma bantu d'aller embrasser bende bakumbatie les faux réveils mawamsho ya bya bongo les fausses doctrines mafundisho ya bongo. C'est vrai, ni bya kweli. Deuxièmement, ya pili, il y a l'essoufflement spirituel. Kuku mambo ya pepo ikuna vuma mkiro. Non. Il y a l'essoufflement spirituel des chrétiens dans leur marche vers le ciel. La plupart des frères et sœurs sont déjà fatigués pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ et ils se sont essoufflés spirituellement parlant dans leur masse. Ça, c'est très important, très très important. L'Église est avec moi. Le manque de la véritable connaissance de la véritable parole de Dieu est à la base des faux réveils aujourd'hui et est à la base de l'apostasie de beaucoup de frères, de l'abandon de la foi. L'essoufflement spirituel des chrétiens, des croyants aujourd'hui dans leur marche avec le Seigneur est une cause principale des faux réveils. C'est vrai, il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs depuis qu'ils ont cru, ils n'ont pas la chose réelle dans leur cœur. Alors ils veulent maintenant avoir ils veulent avoir quelque chose qui est un peu différent de ce qu'ils étaient. Et par manque de la connaissance, ils embrassent des faux mouvements. Ils embrassent des faux réveils. Les gens sont fatigués. C'est vrai, dans leur marche vers le ciel. Et troisièmement, ce qui fait tomber les gens dans les faux réveils. Beaucoup de gens sont à la recherche des solutions faciles. Nous avons indiqué il est. Tu écris essoufflement spirituel. Tu commences d'abord par manque de la véritable connaissance de la parole. Deux, essoufflement spirituel dans la marche chrétienne. Et trois, les gens sont à la recherche des solutions faciles, solutions magiques au problème qui se pose dans leur vie. C'est ça le grand problème. C'est vrai. Pourquoi les gens embrassent le faux réveil aujourd'hui? manque de la véritable connaissance de la parole. Ni kukosa ufamu ya vya kweli ya neno la Mungu. Et quand quelqu'un manque la véritable connaissance, la véritable connaissance de la parole, c'est un signe qui ne trompe pas que ce dernier n'est pas né de nouveau et il n'a pas Dieu dans son cœur. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il perdra certainement l'orientation spirituelle. L'église de Kambo est avec moi et souffle spirituel dans la marche des chrétiens. Troisièmement, spirituel. Troisièmement, la recherche des solutions faciles. Solutions magiques. Au problème qui se pose dans la vie des gens. C'est vrai, frère. Les gens ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de difficultés. Ils veulent des solutions faciles. Ils cherchent des solutions magiques aux problèmes qu'ils ont. Oui, bien-aimé frère. Et quatrièmement, ils sont à la recherche de la stabilité. C'est vrai. Recherche de la stabilité. C'est vrai. Stabilité. Recherche de la stabilité. Recherche de richesses. Stabilité. Stabilité. Double point. Que c'est quoi qu'il cherche? La richesse. Tu fais très richesse. Vous voyez, dans la richesse, il y a les biens, il y a l'argent. Deux, il y a la guérison de du corps. C'est la guérison du corps. Les gens ont peur de la mort. Et troisièmement, ils sont à la recherche des miracles. Vous voyez, en bref, ils sont à la recherche de la bénédiction matérielle. Dieu n'est pas leur préoccupation. Quand Dieu n'est pas leur préoccupation, comme Dieu n'est pas leur préoccupation, ils sont à la recherche des solutions faciles, solutions faciles, solutions magiques aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur propre vie. Dieu mambo ya bantu leo, iko na fikisha, wamini mbintu vya bongo, na maamshi ya bongo. C'est vrai. L'église est avec moi. Très important, c'est que le Saint-Esprit dit. Amen. Pourquoi nous avons les faux réveils? Les gens embrassent les faux réveils. Les gens vont dans les faux réveils. Nous voyons même des frères et des sœurs. Il suffit seulement qu'on lui raconte que quelqu'un a été guéri. Une fausse guérison. Vous voyez, des faux miracles. Et vous voyez le frère, il devient troublé. Il abandonne la parole. Il commence à fréquenter. Vous voyez, un faux mouvement. C'est un manque de la connaissance de Dieu. C'est un manque de la parole. Pendant que nous vivons une période prophétique dans laquelle Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu est-il devenu menteur? Non, frère. Non, ma soeur, s'il y a une période dans laquelle l'épouse ne peut pas être dans la confusion, c'est maintenant. Pourquoi la parole est déjà révélée? L'esprit de la révélation agit dans l'église. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. On n'a pas droit à l'erreur. Il y a certaines choses que nous avons faites. Nous avons fait lorsque nous étions des enfants. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas les faire. Oui, bien aimé frère et sœur. C'est un manque de la connaissance de la véritable parole. Où tu as vu qu'on a un monde. Ça, ni frère, moi, Wanzamani. Tu peux le voir comme si on dit la parole de Dieu. Il manque la véritable connaissance. C'est très grave ça. Il est niatari. Le manque de la véritable connaissance. C'est ce qui amène aux gens d'aller embrasser aujourd'hui de faux réveils. C'est l'étouffement, le soufflement spirituel dans la marche. Musafari. Comme on a toujours chanté. Safari et Tunikwenda. Notre voyez, voyage c'est cantique que notre bien-aimé frère, frère Kabeatizimanina. Ça c'était une inspiration divine. Wengisana, Wamechoka, fatigué. Shetani. Satan. Tu voyais. Beaucoup de gens sont fatigués. C'est pourquoi ils aiment les raccourcis. Quand un homme est fatigué dans la marche, il cherche des solutions faciles. C'est l'essoufflement. Nikuchoka. Jamais les gens croient. Je veux qu'on bantu, bamini. Adhérer dans les faux réveils. Bendewe djunge kumawamusha biabongo. C'est vrai frère. Les gens aujourd'hui bantu leo, veulent avoir des solutions faciles, solutions magiques aux problèmes qu'ils ont dans leur vie. Kumambo, ils veulent éviter ou ils évitent la voix de la parole. Ils veulent voir la magie dans leur propre vie. Dieu n'a jamais été un magicien. La Bible dit, il fait toutes choses par sa parole. Il n'y a rien que Dieu fait en dehors de la parole. Dieu est dans la parole. Tout ce qui est en dehors de la parole est du diable. Et Dieu n'y touche pas. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Les gens aiment des solutions faciles. Des solutions magiques. Vous voyez, non. À leur problème de la vie. Même dans la vie spirituelle. Les gens deviennent des voleurs. Ils deviennent voleurs. Ni kutafuta. C'est parce qu'ils cherchent à vivre une vie sans travailler, sans souffrir. Et pourtant Dieu a dit, il est amour à c'est ma, à la sueur de ton front que tu mangeras. Comme on a kata la kutumika, si tu refuses de travailler, tu seras un voleur. C'est ainsi que nous avons des bandits partout. Nous avons des voyous partout. Voyez bien mes frères. Des voleurs partout. Parce qu'ils veulent la vie facile. Maisha ya wepesi. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpenda. Kama upende kuteswa mwili, au upende kutumika mwili, utakuya mwizi. Utakuya bundu, utakuwa ndumba. Sera prostitué. Banamuke ba mingi veko ni fwana bundumba ni kukatala kuteswa paska nuna kusema kutoa tu mwili yake c'est plus facile que kwenda kulima mashamba kale faire les champs. Elles vendent leur corps. Parce qu'elles veulent vivre une vie facile. Les hommes deviennent voleurs. Les femmes prostituées. Et même dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui veulent vivre une vie facile. Oui, bien, mes frères, sans travailler. C'est un faux esprit. Ni romu chafu ile. Et quand quelqu'un veut vivre une vie facile, même dans l'église à travailler, qu'est-ce qui lui arrive? Il commence maintenant la voie des dettes et de l'escroquerie. Il embrasse la voie de la dette. Ananza mambo ya mandeni na kuibia. Et l'escroquerie. Na kuibia. Parce que pour lui c'est facile de travailler. Dieu ne peut bénir aucun homme qui ne fait aucun travail. Mungu hachezi kubariki muntu ule ashitumike. Tu dois avoir quelque chose entre tes mains. Mais lequel tu peux te poser. Et si lequel Dieu peut venir, peut te venir. Pale Mungu atakuya kukubarikia. Oui, poignant bien le cage. Et d'abord le travail. Poignant bien le cage. Et d'abord le travail. Na, umutumaini ya Mungu. Mais tu as confiance. Na, bakia mwile kaji uko na poigne. Uone kama Mungu atakubariki. Pour voir si Dieu va te bénir. On veut vivre aisément. Ah ouais, on veut être stable. Sans souffrir. Et pourtant la Bible dit. L'homme est né pour souffrir. L'homme est né pour souffrir. Vous ne pouvez rien gagner sur cette terre. Sans souffrance. Sans douleur. Ça n'existe pas. Ce sont les gens qui ont souffert. Wakati ni arekwa kuna lala mpori. Ya entao ipase ni pengine kuna kwata kwa miotoka. Il monte. Pengine kuna lala inje. Notre passe nuit deo. Maintenant quand Dieu bénit son travail. Pas dans une année. A pas il n'a pas travaillé une année. Deux ans, trois ans. Moya, miaka mbiri, miaka tatu. Peut-être il a fait 10 ans. 15 ans pour être béni. Il y a des gens qui dans leur vie, depuis la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, ils n'ont rien reçu. C'est seulement vers le soir de leur vie que Dieu leur ouvre la main de la bénédiction. Vous ne pouvez pas chercher que ça soit dans cette vie, que ça soit dans la vie à venir, des solutions faciles. Non. Et spirituellement aussi, mutiro, vous ne pouvez pas aussi mener une vie correcte devant Dieu comme ça. Même le salut n'est pas facile. Hein. Comme les gens le disent, ils pensent que la grâce, c'est comme ça quand tu dis non, je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé. Non, bien aimé frère, il y a des conditions pour recevoir cette grâce. Sinon tous les démons ici auraient la grâce. Tous les gens ici qui sont créés à l'image de Dieu. Tous ces gens ici qui sont créés à l'image de Dieu auraient cette grâce. Pourquoi ils ne sont pas sauvés? Ouais bien mes frères. Ouais bien mes frères. Il y a des choses qu'il faut faire. Quand on vous demande la repentance, la repentance n'est pas aisée. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils ont refusé de se repentir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui peut se repentir. Non bien mes frères. Non bien aimé sœur. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens entrent des faux réveils. La plupart vont dans les faux réveils. Comme ils manquent la connaissance, la véritable connaissance de la parole. Ils sont déjà fatigués. Ils ont besoin de solutions faciles. Ils ont besoin de la solution, de la stabilité. Vous voyez, ils sont à la recherche des biens matériels. Ils pensent que quand il ira dans ses réveils, Dieu fera la magie pour le lui donner. Quel mensonge! J'ai toujours vu, même dans toutes les églises où on prêche la bénédiction matérielle, tous ne sont pas bénis matériellement. D'ailleurs, dans les églises où on enseigne la prospérité matérielle, c'est là où on rencontre beaucoup de pauvres et des gens qui souffrent à outrance. Et comment on le fait? On ne les maintient pas de fausses prophéties. C'est tout? On a lié leur esprit à des fausses prophéties. Dites-moi une église, même ici à Kambo, que vous connaissez qui prêche la bénédiction matérielle qui est bénie. Même nous-mêmes qui ne prêchons même pas la bénédiction spirituelle, même éternellement Dieu nous a bénis. Il faut être un insensé. Vous voyez bien mes frères. Ces quatre points ici sont fondamentaux. Si j'avais suffisamment de temps, je prendrais ça même pendant une semaine pour en parler. Les frères qui abandonnent la foi, qui tombent dans les fausses doctrines, les frères qui tombent dans les fausses doctrines, qui vont dans les faux réveils, c'est seulement manque de la véritable connaissance, essoufflement spirituel, recherche des solutions magiques, des solutions faciles aux problèmes qu'ils ont dans leur vie, recherche de la stabilité. Et Satan est très rusé. Quand Satan te voit sans véritable connaissance, Satan te donnera sa bénédiction. Il te donnera sa solution. Mais les solutions et les bénédictions de Satan ne sont pas des solutions et des bénédictions réelles. Les solutions et les bénédictions que Satan donne. Plus tard, ce sont des cadeaux empoisonnés qui conduisent les gens à la mort. Satan n'a rien de vrai. Il est un menteur, le père des mensonges. Il ne peut ni donner solution à ton problème. Satan ne peut pas résoudre ton problème. Non bien mes frères. Non bien mes soeurs. Si quelqu'un va dans les faux réveils, si quelqu'un va chez les devins pour chercher une solution, il ne l'aura pas. Vous allez dans les faux réveils, vous jetez le Saint-Esprit, vous quittez la parole pour aller vers les faux réveils, les faux doctrines, pour avoir accès le Saint-Esprit. Tu es fou. Tu ne comprends pas? Le véritable Saint-Esprit, le véritable scellement du Saint-Esprit, ne peut jamais, alors jamais, à aucun cas, être dans une fausse doctrine, c'est faux. Ça ne peut jamais arriver. Non bien mes frères. Non bien mes soeurs. Il y a des gens qui sont séduits comme ça, par manque de connaissances. Il est malade. Il a des douleurs. Il va chez un devin. Dans un groupe de prière. On lui a dit non. Là, Dieu est descendu. Il y a un réveil. Il y voit avec cette foi-là. On agite un mouchoir sur lui. On prie sur lui. Et ensuite il rentre, il se sent un peu en repos, il sent comme si la douleur est partie. Réellement la douleur n'est pas partie, on vous a seulement donné un somnifère spirituel. Vous avez toujours les mêmes démons sur vous. C'est vrai frère, savez-vous ce que Dieu... Vous savez ce que Dieu a dit à un prophète? Il dit, il avait un fils malade. Il abandonne le Dieu d'Israël. Il va consulter Belzéboul. Dieu envoie son serviteur et lui dit, allez dire à ses rois, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour qu'il aille consulter? Vous voyez, cette idole, il est Sanam. Dis-lui que son fils mourra. C'est faux, frère. C'est quoi ça? Essoufflement. C'est quoi ça? Recherche des solutions magiques. Solution facile. Et Satan en a. Et beaucoup tombent dans le piège. Oui bien mes frères. Oui bien mes soeurs. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Satan n'ont même plus honte d'étaler leurs mensonges, de proposer, de propager le mal et de faire doctrine. C'est pourquoi nous en tant qu'épouse, nous devons maintenant proclamer toute la vérité pour que ceux qui sont de Dieu soient délivrés. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Je vous dis au nom du Seigneur, tout homme dans sa propre vie, dans sa pensée, qui cherche des solutions faciles, tombera certainement entre les mains du diable. Tout homme, toute femme qui cherche la guérison de son corps en dehors de la parole de Dieu tombera certainement entre les mains de Satan. Tout homme et toute femme qui cherche le Saint-Esprit facilement en dehors de la parole recevra certainement des démons. Pas le véritable Saint-Esprit. Tout homme et toute femme qui abandonne la parole, il abandonne Dieu pour chercher le matériel, pour qu'il ait le matériel facilement. Après, c'est fini pour lui. J'ai vu des frères dans cette église. Ils ne sont plus avec nous. Ils ont quitté cette église. Comme l'un d'eux me disait, pasteur, mina omba sana, mina choka. Je suis fatigué. Je parle mêlé. C'est pourquoi Dieu va m'aider. Ça, c'est comme une amoukouta. Aujourd'hui, il manque même une brouette. Les enfants sont devenus prostitués. Tu auras même pitié de lui. Je lui pose la question, tu n'as pas encore l'argent. Ah oui, pas ta makuta. Pasteur, vous avez tout ça dit. Pasteur, Dieu va nous aider. Ouais, oui, non, la, monde, tu as abandonné la parole de Dieu pour trouver l'argent. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Vous voyez frère. Cela est faux. Il est nia bia bongo. Et ce qui est drôle, c'est lorsque les gens acceptent ce faux esprit librement. Les gens qui se racontent. Vous voyez comment les fausses choses se racontent. Des bouches à l'oreille. Mais, sœurs ici. On a dit, ils ont la Pentecôte là-bas. Sœurs. Il y a quelqu'un qui est parti là, il avait le mot des anges qui nous tourmente chaque jour. Est-ce que c'est ce réveil-là qui nous guérit? Une femme qui souffre de la ménopause. Elle se réveille. Elle a mal à la tête. Oh, mina kunyadawa. J'ai trop pris les médicaments. Bana mulanda semono. Mule mumba réveille mule. On la trompe seulement que dans le mouvement du réveil là, Dieu guérit là-bas. Et quelqu'un embrasse des fausses choses comme ça. Anenda mu bintu bya bya bongo. Non frère, c'est un manque de la connaissance. Ni et la vraie connaissance, na ufamu ya vya kweli. C'est quelqu'un qui est fatigué. Démarcher dans la vérité. Voyez bien mes frères. Regarde même quand ici, quand nous faisons les chants ici. Tout devient compliqué, il abandonne tout. Même spirituellement, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui fait longtemps à l'église, même contre la parole qui est apportée, mais on lui dit la voie du salut, mais il écrit la voie du salut. Il reste seulement un chrétien frontalier. C'est très grave ça. Il est ni atari. Pour Christ, Anna, il n'est pas chrétien, il n'est pas païen, il reste membre il de l'église. Il ne sait plus avancer, il ne sait plus reculer. C'est vrai frère. C'est très grave. Ni atari, il est. Aujourd'hui frère, Léo Nduku, tout est déjà en place. Yote, bishakuwekwa pa makwaji. Pour la réalisation ya kutimiza, de toutes les prophéties yote, de Daniel ya Danieli, et de toutes les prophéties yote, de l'Apocalypse. Ya ufunuo. Aujourd'hui, quand je vous parle, leo hapa ningune misungumuzia. Et si vous l'avez bien suivi, kama mulifuata mzuri, tout est en place. Yote binesha kuwekwa. Pour que la réalisation de toutes les prophéties de Daniel et de toutes les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent. Même pour le fonctionnement kutumika, du gouvernement mondial, kwa serikali ya ulimwengu mzima, tout est en place. Yote inesha kuwekwa. Le gouvernement que va utiliser l'Antichrist. Tout est en place. Yote inesha kuwekwa. C'est vrai frère. Vya kweli nduku. Observez aujourd'hui. Mwangalie leo. Partout le pape va avec le discours. Yote pape kunaenda na utuba yake. Il va maintenant sasa réconcilier les frères ennemis. Dernièrement, il était à Dubaï, la semaine dernière. Il était à Dubaï pour réconcilier les musulmans. Et leur dire que nous sommes des frères, nous devons enterrer la hache de guerre. Mais lui, c'est un chrétien. Et ce sont les musulmans. Il va les reconstruire comment? Vous voyez? Parce qu'il est le chef religieux. Vous voyez bien mes frères? J'ai pris même cette vidéo-là, j'ai envoyé à quelques frères. Tout est en place. Dans le monde entier, tout est en place. C'est le temps où toutes les prophéties qui ont été annoncées dans l'Apocalypse et dans les restes des livres prophétiques sont en train de s'accomplir et les autres vont s'accomplir incessamment. Mais il faut être de Dieu pour voir ce que Dieu est en train de faire. Oui bien mes frères, aujourd'hui Léo, il y a beaucoup de faux mouvements, beaucoup de faux réveils. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voyez, même dans ce message, il y a William Branham. William Branham. Mulesha kula mukaka. Ya Ma faux réveil à mingi. Faux réveil au grand nombre. Ouais, bien mes frères. Sur les dons. Ce n'est pas du nouveau. Vous avez déjà entendu parler de Masengo, l'éternel Masengo. Mais moi, l'éternel. C'est une femme qui est devenue l'éternel. Et là, c'est le pasteur, un licencié. Il faut être malade. Les enseignements de la parole sont apportés. Comme tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu n'as pas eu de soucis. C'est pourquoi quand tu me dis que frère Fulani, Je ne peux même pas prier pour toi. Quand quelqu'un connaît la vérité, il devient exactement comme Lucifer son père, qui a la connaissance du bien et du mal. Quand quelqu'un devient Satan, Lucifer, il connaît la vérité, il connaît aussi les mensonges, il sait comment dribbler les gens. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur, nous sommes dans un temps dangereux. Jésus-Christ est à la porte. Tout ce que nous avons dit ici, pendant des mois et des mois, ce n'est pas de la musique. Au temps de Dieu, vous le verrez s'accomplir. Mais voilà ce qui amène les gens. Ce qui amène les gens à aller dans les faux réveils. Le manque de la véritable connaissance de Dieu. L'essoufflement spirituel dans la marche des chrétiens. La recherche des solutions faciles, solutions magiques aux problèmes qu'ils ont. Ils pensent que c'est Dieu, Dieu était magicien. Les gens sont à la recherche de la stabilité charnelle. L'argent, les richesses, les maisons, guérison du corps, des miracles, et ils tombent dans les faux réveils. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'arrête. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Lève-nous pour la prière. Safarie. Tuni kwenda kumundi nzuri ya mbingu, o mujiwa. utukufu. Tutamuo na Mokozi pamoja na Bashir.